Pour ce 100e épisode, on a le troubadour du spectacle, le ménestrel du divertissement qui a tenu à vous écrire et préparer un petit spectacle. Une pièce de théâtre, en fait. Donc, pour vous, en primeur, je vais vous jouer ma pièce, Le diable au bout des doigts. Place au théâtre. En 5, 4, 3, 2... Après une soirée arrosée, Eddie se réveille dans un lit d'hôpital. Angoissé, il cherche à comprendre ce qui ne va pas. Vous êtes bien au chaud? Pas moi. J'ai froid. Très froid. Avec la tempête et le froid dehors, je serais bien mieux à la maison que dans cette prison. Je serais bien mieux dans mon grand lit queen, bien emmitouflé sous mes deux couvertes de laine, sous mon duvet. Ici, le courant d'air froid qui s'infile par la fenêtre mal calfeutrée agresse ma peau de sa morsure. Hashtag MeToo, le froid. Bien sûr, je l'ai dit à l'infirmière. Je lui ai dit que cette chambre où ils m'ont enfermé est aussi bien isolée qu'une étable. Et que si elle ne me laissait pas sortir rapidement, j'allais sûrement mourir gelé. Mais Jacinthe, c'est comme ça que se nomme ma tortionnaire. Jacinthe, elle veut pas. Elle veut pas que je me lève. Elle veut pas que je m'habille. Elle me dit qu'elle m'apporterait une deuxième couverte de laine et m'a demandé de dormir un peu en attendant. Pour me calmer, on attend mes résultats. Mais pourquoi? Je sais. J'hyperventile. C'est pour ça qu'elle veut que je me calme. Mais j'ai encore froid. Il me faut une autre couverte. Sinon, je vais écouter la télé pour me changer les idées. Cette première tempête de l'année n'a pas empêché plusieurs amateurs de plein air de profiter de la fin de semaine. Dans les grands foies, là, je suis pareil. C'est sûr, des fois que ça pince la face, il faut se couvrir un peu plus. On en profite, là, parce que c'est ça, les fins de semaine sont courtes. C'est une chute de neige qui était attendue. Il faut dire que l'hiver a jusqu'à maintenant été moins rude qu'à l'habitude. OK. Non, pas de télé. Ça me donne des frissons. Moi, c'est Eddie. Pas Eddie Van Halen. Non, je suis pas connu. Je joue pas de guitare. Moi, c'est juste Eddie. Et je souffre Donny Chauffazy. Et aujourd'hui, ça devait être une journée spéciale. Ça fait exactement 100 jours. 100 jours que j'ai pas rongé mes ongles. C'est pas Jojo l'onychophagie. Ouais, je sais, certains doivent se dire en ce moment, « Moi, je me ronge les ongles de temps en temps quand ils sont trop longs, et ça fait pas de mal à personne. » Mais oui, oui, moi. Moi, ça me fait du mal. Ça me faisait du mal. Ça a commencé tranquillement. Les jeudredis. Je me faisais tremper le bout des doigts dans un petit merlot d'Italie. Et après, je pouvais les ronger pendant de longues minutes, tout en savourant ce bon goût de vin. Et avec le temps, le lundi s'est transformé en lundredi aussi. Puis le mardi s'est ajouté. Pour finir, que je faisais tremper mes ongles dans le vin tous les soirs. Jusqu'à ce que, je vais-tu le dire, jusqu'à ce que Cabotin, c'est... J'hyperventile encore. Je vais m'étendre un peu, comme Jacinthe m'a dit. M'éteindre au froid. Dieu doit passer. Il va me donner mon linge. Et je vais pouvoir aller dormir. Dormir dans mon sommeil. Emphasizing knowledge and awareness. Just this one time. It pays to know the kind of power you're dealing with. Converser avec Dieu. L'idée a de quoi impressionner, n'est-ce pas? Voilà bien longtemps, un homme s'est trouvé dans cette situation. Il s'appelait Moïse. Et la question qu'il a choisi de poser à Dieu peut surprendre. Rien sur lui-même, rien sur son avenir, ni même sur la triste condition de l'humanité. Moïse a seulement voulu savoir quel était le nom de Dieu. On peut d'autant plus s'en étonner qu'il connaissait déjà ce nom. Sa question devait donc avoir un sens plus profond. De fait, c'est la question la plus importante qu'il pouvait poser, car sa réponse nous concerne tous. Elle est capitale pour qui veut s'approcher le moindrement de Dieu. Le nom de Dieu est... Cabotin! Ah, j'ai encore fait un mauvais rêve. J'ai encore rêvé à Cabotin. Cabotin, c'était mon chien. Un beau bâtard pure race. Cabotin se rongeait pas les ongles, lui, mais il avait la mauvaise habitude de me lécher les doigts. Cabotin supportait bien le vin. Mais quand le meilleur ami d'un homme est son chien, et que cet homme a un problème, son chien a par le fait même un problème aussi. Moi, je pensais que ça le rendait heureux. On pouvait passer de longues minutes à se fixer dans le blanc des yeux pendant qu'il me suçait le bout des doigts. Un soir, où que j'avais trop rongé mes ongles et que j'étais assoupli par le vin et assoupi du même dessin, Cabotin a renversé le vignier par terre, sur mon beau plancher de bois franc. Une grosse flaque rouge liquide. Et Cabotin a tout liché, heureusement, car le vin tâche. Mais ce soir-là, Cabotin a trépassé. Je n'ai rien pu faire. Il était mort à mon réveil. La seule chose que j'ai pu faire, c'est de lui adresser une dernière prière. Oui, une dernière prière. Croyez-vous en Dieu? Moi, oui et non. Je ne crois pas un Dieu tout-puissant comme on aime à l'imager dans la Bible ou dans d'autres livres. Pour moi, Dieu, c'est plus un concept spatial ou orbital que je pratique sous forme de méditation. C'est dans la méditation que je me concentre sur la force personnelle, la force de vie et la force unificatrice. En fait, pour faire simple, je suis Jedi, disciple du Temple de l'Ordre Jedi. Je pratique le Jediisme qui est basé sur les enseignements philosophiques et spirituels des Jedi de Star Wars. Et oui, moi c'est Eddie et je suis animateur de pastoral pour l'Église de la Force. Perdre Cabotin n'a pas été une chose facile à accepter, mais avec l'aide des autres Jedi, je suis passé au travail. Malgré l'appel du côté obscur de la Force, peur, haine, agressivité et ambition sont les fondements de ce côté obscur. Chaque jour, depuis la mort de Cabotin, depuis que j'avais arrêté de me ronger les ongles, je maîtrisais. Je maîtrisais la Force. J'étais en équilibre, en paix. En paix jusqu'à hier soir, où j'ai senti la force. Jacinthe! J'ai J'ai beau sonner. Ça fait déjà 2 fois que je la sonne depuis que je suis réveillé. Et elle vient pas. Elle doit être encore en train de se reposer avec les autres de son genre. Ou de donner de la cervotonine aux autres pauvres malades pour leur bousiller ce qui lui reste de raison. À part de ça, est-ce que vous savez d'où ça sort le mot infirmière? De l'ancien français « enfermier », composé sur le mot « enferme ». Oui, comme moi qui suis enfermé ici. « Enferme » qui lui-même dérivé du latin « infirmus », donc qui s'occupe à l'origine des infirmes. Et comme moi, je ne suis pas un infirme, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Si le médecin peut passer, je vais tout lui expliquer. Je vous explique. Hier, je me préparais à fêter mes 100 jours sans me ronger les ongles. Je m'étais fait beau, j'avais teint mes doigts en gris, je m'étais mis beau, j'avais mis un nœud papillon avec mon beau veston. J'avais monté le thermostat du frigo à 6, question que la température descende, pour que le vin soit un peu plus froid que d'habitude, car je l'aime froid. Je m'étais préparé un bon risotto aux champignons sauvages, des bons gros lobsters que j'avais réhydratés avant de les ajouter dans mon risotto. Le souper se passait bien, mais à un moment donné, une cuillerée mal balancée, un geste brusque et lourdeau, j'ai un lobster qui est tombé dans mon verre à vin. Avec ma fourchette, j'arrivais pas à le rattraper. Donc, je l'ai simplement attrapé avec le bout de mes 2 doigts pour le sortir. 2 doigts qui, pendant un instant, ont trempé dans le précieux liquide. Sans y penser, après avoir remis le champignon dans mon assiette, j'ai sucé le bout de mes doigts pour les nettoyer. Le goût était bon. Le goût était familier. Sans trop y penser, je me suis mis à me ronger un doigt. Puis 2. Et avant que j'aie le temps de comprendre, j'avais le bout des doigts d'une main qui trempait dans mon verre de vin, pendant que je suçais et rongeais ceux au bout de l'autre main. Et ensuite, plus rien. Je me souviens de rien. Je me suis réveillé ici. Ici à attendre, dans un lit froid. Attendre à rien faire. Ah, bon. Une radio. Est-ce qu'on pogne quelque chose à la radio de l'hôpital? Simox est de retour avec vous pour la nuit. Ce soir, au 89.3 CJPM Chicoutimi, on a prévu pour vous de la bonne musique. Mais avant tout, on commence fort. Cette semaine, un concours de notre commanditaire Georges Técard sur la rue Racine qui vous offre un repas de roi. Pour participer, c'est simple. Nous envoyez un court enregistrement pourquoi vous aimez venir manger chez Georges Steakhouse et de répondre à la question suivante. Quel est le plus beau voyage que vous avez fait? Envoyez votre enregistrement MP3 à foxymox.893@gmail.com. On fait le tirage en fin de soirée parmi tous les enregistrements reçus. Maintenant, il y a plusieurs choses qui ont attiré notre attention. Moi, Eddie, j'aime bien aller manger chez Georges. C'est probablement le restaurant que j'aime le plus. Surtout pour leurs escargots à l'ail. Oh. Et probablement que si j'étais pas ici ce soir, en train de geler sous cette mince couverture de laine dans mon hôpital sans aucune raison valide, probablement que je serais là, en train de déguster un bon poulet grillé. Et si je... Tant qu'à poireauter, je peux bien participer. Bon, ça enregistre. Allô, c'est Eddie. Eddie de la pastorale de l'église de la Force sur le boulevard Talbot. Le plus beau voyage que j'ai fait, c'est dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Le raid de Kessel était une route hyperspatiale utilisée par les contrebandiers. Elle passait par la planète Kessel, près de laquelle elle coupait Pabol Chielron jusqu'à Obadiah et servait ainsi pour le transport des épices. Moi, j'étais à bord de l'Aile du Vent et je revenais de livrer une pleine cargaison de ravitaillement de premier choix de la lune forestière d'Andor aux mines d'épices de Kessel. Quand un vaisseau de contrebandiers a tenté de m'arraisonner. Ils voulaient que je leur livre l'argent que je venais de faire avec ma livraison. Mais, j'ai mis les gaz et j'ai réussi à me faufiler dans le maelstrom et à leur échapper. Le tout en seulement 11 parsecs. Oui, 11 pour le raid de Kessel. Le faucon Millennium peut bien se vanter de l'avoir fait en 12. Bref, c'est mon plus beau voyage. C'était Eddie et j'aimerais bien gagner. Ah oui, pourquoi j'aime aller manger chez Georges? Vos escargots à l'ail sont pas caoutchouteux. C'est bon ça. foxymox.893@gmail.com. Envoyez. There's a story in an ancient play about birds called The Birds. And it's a short story from before the world began. From a time when there was no earth, no land, only air and birds everywhere. But the thing was, there was no place to land, because there was no land. So they just circled around and around, because this was before the world began. And the sound was deafening. Songbirds were everywhere. Billions and billions and billions of birds. And one of these birds was a lark. And one day her father died. And this was a really big problem, because what should they do with the body? And there was no place to put the body because there was no earth. Solution. She decided to bury her father in the back of her own head. And this was the beginning of memory. Because before this, no one could remember a thing. They were just constantly flying in circles. Constantly flying in huge circles. De parler d'escargot me donnait faim. Oui, bonsoir, c'est pour une livraison. Je vais prendre un numéro 3. Oui, remplacez-la par une poutine. Vous avez quoi? Avez-vous de l'eau Perrier? Non? OK. Une canette de thé glacé d'abord. Oui, c'est tout. Au nom d'Eddie, Eddie de la Pastorale. L'adresse, hôpital de Chicoutimi, chambre. Pourquoi? Pourquoi vous pourriez pas livrer aux chambres? Un règlement de l'hôpital? Pour pas faire entrer de microbes, de virus, de bactéries, d'infections nosocomiales? Mais voyons donc. Même pas à la grosse porte tournante? Comment ça faudrait que je sorte dehors? Mais je peux pas. Je peux tout simplement pas. Pourquoi? Parce que l'incarnation du mal, le côté obscur du prolétariat infirmier, incarné par Jacinthe Blouse en bleu, veut juste pas. Vous savez quoi, monsieur? Je suis prisonnier, moi. Un prisonnier politique. On me retient à l'hôpital de Chicoutimi pour je ne sais quelle raison. Et comme tout prisonnier politique, on me refuse, monsieur, de voir du monde. J'ai pas eu de visite depuis que je suis arrivé. On me laisse mourir de froid dans un goulag aseptisé. Si j'ai fini de radoter? Non, monsieur, j'ai pas fini. Vous savez ce qu'on dit. Après la pluie, si tu ne trouves pas ton gazon mouillé, tu le trouveras inondé. Je sais, c'est pas positif trop. C'est voir le verre à moitié vide. J'ai une amie, la belle Geneviève, qui elle me dit « Après la pluie, vient toujours le beau temps. N'en tient qu'à toi de faire que ça ne soit pas une éternité. » Et je lui réponds « Quoi? Comment ça? Je peux sortir? C'est pas plus compliqué que ça? » « Ah, merci, Madame Jacinthe. Comme je me le disais depuis que je suis arrivé dans cette chambre, vous êtes un ange d'amour pour tous les patients qui passent entre vos mains et qui sont sous vos bons soins. » Et qu'est-ce que le médecin a dit déjà? Que c'est une bactérie, un champignon parasite qui se loge habituellement sous les ongles. Se ronger les ongles et se sucer les doigts peut causer des lésions cutanées, ce qui permet aux bactéries d'y entrer. Pourtant, non, je ne me ronge plus les ongles, ou peu, très rarement. Est-ce que cette bactérie pourrait pas plutôt venir du vin, d'un bouchon de liège infecté de champignons? Non. Du stencil un peu rouillé? Non. D'un risotto mal cuit? Non, c'est vraiment une maladie cutanée. Ah bon. Et c'est ce champignon bactérion infectieux que j'aurais ingéré et qui s'est développé comme une appendicite aiguë dans mon estomac, suivi d'un blackout et de l'intervention mystérieuse de la force, j'imagine, pour que je me retrouve ici à l'hôpital. Quoi? Dans le dossier, c'est écrit que c'est une voisine qui a appelé le 911, qui m'a vu vomir sur ma véranda et perdre connaissance là? Non, je crois pas. C'est plutôt la force. OK, je vais passer prendre la prescription en bas à la pharmacie. Car vous êtes sûr, je peux pas rester encore un peu pour me reposer? Vos bontés ont des limites que je dois pas franchir? D'accord, je m'en vais. Je libère l'habitacle. Refermez la sas derrière moi. Merci encore, Jacinthe. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez été un ange pour moi. Eh oui, c'est déjà la fin. Et on va annoncer, comme on vous l'avait dit, le nom de notre gagnant. C'est un certain Eddy de la Pasto. Donc, Eddy, tu peux passer dans la journée de demain à la station. Ton bon cadeau pour Charge tes cases t'attend. Sur ce, Foxy Mug vous souhaite une bonne fin de soirée. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.